Chapitre 5. Bonjour, docteur. Merci, il ne s'asserrait pas. On l'avait envoyé. Il ne venait pas en malade. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Sa femme? Oh, sa femme aussi, tout à fait bien, je vous l'assure. Il en aurait d'ailleurs fini tout de suite. Simplement le temps de lui exposer la chose. Mais d'abord, que penseriez-vous, docteur, d'une femme qui serait votre femme et vous dirait « Courage, mon petit, pense à moi avec sérénité. » Si elle avait dit cela, peut-être pas exactement, en tout cas elle avait parlé de « penser à moi avec sérénité ». Inquiétant, n'est-ce pas? Si elle dit « pense à moi avec sérénité », c'est qu'on pourrait penser à elle autrement. Et alors, gare, surtout quand cette femme n'est pas une femme comme beaucoup, mais une lumière pour laquelle on a sacrifié son cerveau et qu'il ne faut pas se laisser enlever de crainte de ne plus voir clair dans son propre cerveau. Du reste, il ne s'agissait pas de cela. Il y avait autre chose. Chez lui, quand il parlait, on lui répondait « Tu te trompes » ou bien « Tu dis des bêtises ». Des bêtises ! Sa femme elle-même ce matin l'avait rabroué. Ta-ta-ta ! Pourtant, il avait le droit de savoir. « Si, si, docteur, strictement le droit. » Mais avant tout, qu'est-ce qu'il était ? Écrivain. Oui ou non, puisqu'il était écrivain, sa tâche se résumait-elle en ce mot « écrire » ? Alors, si telle était sa tâche, il était libre d'écrire tant qu'il lui plairait. Et lorsqu'il tenait sa plume, même fatigué, même torturé dans la tête, il n'y avait ni vie, ni Dieu, ni les mots, eussent-ils des pinces, ni même vous, docteur, pour lui dire « Cher monsieur, vous travaillez trop, ménagez-vous. » Donc, comme les autres jours, il avait travaillé. Il était libre aussi de traiter tel sujet qui lui plaisait, de passer de tel sujet à tel autre, si, le matin, puis l'après-midi, il avait délaissé « Vous savez bien, docteur, le sujet mari, pour travailler à son compte, que, pour certaines raisons, il appelait « la mort de Valère ». Ni le docteur, ni la vie, ni Dieu n'y pouvaient rien redire. S'il lui plaisait, dans ce conte, de parler d'un type qui lui ressemblait un peu, qui, ma foi, lui ressemblait beaucoup, et, pour tout dire, lui ressemblait absolument, encore libre à lui. S'il lui plaisait de raconter que, pour certaines raisons, ce type avait mal agi, qu'il se pouvait, par exemple, qu'il eût étranglé une vieille femme, encore une fois, il était libre. Si ce type, après ce crime probable et pour les mêmes raisons, avait mal dans son cœur et même mal dans sa tête. Ne sourcillez pas, docteur. Encore une fois, il était libre. Si ce type, pris de remords, finissait par avouer à sa femme qu'il n'avait pas commis ce crime, qu'il l'avait rêvé, qu'il s'y était délecté, et si, malgré cela, pour les mêmes raisons, il avait de plus en plus mal dans la tête et aussi dans le cœur, c'était pour de nouvelles raisons, et encore une fois, les amis avaient beau dire « ménagez-vous » ou faire semblant de parler de Taine, personne ne pouvait contester à lui, l'auteur, le droit de raconter cette histoire. Si, en fin de compte, toujours pour les mêmes raisons, ce type finissait par se jeter sous une automobile, et s'il était mort, le docteur avait beau jouer l'indifférent et se regarder les ongles, lui, l'auteur, il avait le droit d'en faire un mort. D'ailleurs, vous le savez bien, docteur, à une lettre près, mort est un mot qui peut entrer dans la tête pour ronger le cerveau, mais un mot également qui a un sens. Si, bourgeoisement parlant, on enfermait cet homme dans un cercueil, si on le fourrait sous terre, si on se lamentait, voilà, il est mort, cela ne prouvait pas que cette force qu'il portait en lui, qui était peut-être de l'amour, un suicide par automobile eût pu la mettre à néant. Cela ne prouvait pas que cette force d'amour fût perdue, qu'elle ne pût plus être utile à celle qui lui avait donné naissance. Mais enfin, bourgeoisement parlant, et la chose, dûment constatée par un médecin, docteur, ce type ayant roulé sous une automobile était mort. Notez, docteur, que ce type lui ressemblait un peu, que ma foi, il lui ressemblait beaucoup. Et pour tout dire, il lui ressemblait absolument. Alors, si le docteur voulait se donner la peine de le suivre, voici la chose. Comment savoir qui, du type ou de lui, était mort? Que ce fût lui n'était pas probable, puisqu'il vivait. Et à première vue, tout au moins, vivre pouvait sembler une preuve relativement convaincante. Mais enfin, mort ou vivant, puisqu'il ressemblait à ce type, il s'était jeté comme lui sous une automobile. À quel moment, docteur? Ma foi, il n'en savait rien. Les siens soutenaient qu'il n'avait pu se jeter sous la voiture, puisqu'il n'avait pas été dans la rue. Et pourtant si. La preuve, il avait vu cette voiture arrêtée. Mais après, il avait senti contre la joue la chaleur du moteur, il avait senti le choc, il avait entendu un agent. Rien à faire, il est mort. Et maintenant encore, quand il se regardait marcher, il avait le corps tout raide du côté du cœur. La preuve encore, si mesquine qu'elle pût paraître, c'est que le jour de sa mort, par une miraculeuse exception, docteur, il portait sa montre. Et entre nous, vous qui vous occupez du cerveau, vous savez ce que l'on donne à manger à une montre. La preuve, donc, c'est qu'il portait cette montre, que le verre sous le choc avait été brisé, tué si l'on veut, et que, s'il se trompait comme on le prétendait, il eût été simple de lui montrer ce verre de montre, non pas brisé, mais entier. Comment, docteur, il était entier? Mais précisément, s'il était entier, cela prouvait qu'il avait été cassé et remplacé par un autre qui ne l'était pas. Alors voilà, la démonstration est faite. Bonsoir, docteur.